Nathalie Pungu. Je remercie sincèrement mes chers amis Gilles Mpunga, Serge Kayembe, Olé Mukendi, Joli Basuele, Demi Maloussa, Ilunga Mwanabute, et enfin Monsieur Manda Tchéboy. Ilunga Kalonda. la chambre voilée. L'enfant Mandela, l'enfant du Kwanza, île de Corée. Ma petite Ankanda, ma grande poste. Bana ya Kibomango, ma Italien ya So. Na les châteaux, bana Mundele Mulu, bana ya Kapaposta.